Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint, Annie Ernaux, André Brink, Jean Dormesson, Lydie Salvet, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo Antunes. À voix nue. Ce soir, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo Antunes. Cinquième et dernier épisode, hors les livres. Antonio Lobo Antunes, nous avons évoqué beaucoup de choses ensemble au cours de ces entretiens. Votre enfance, Portugal, vos études de médecine en psychiatrie, votre séjour en Angola durant cette guerre coloniale, 27 mois qui ont dû paraître 27 ans pour vous. À votre retour, 1973, vous êtes médecin dans un hôpital, vous allez vivre la révolution des œillets en 1974. Il y a votre première publication en 1979, Mémoire d'éléphant, ainsi nommée parce que vous avez une mémoire d'éléphant, Antonio Lobo Antunes, et qu'elle vous sert beaucoup dans vos livres. Je rappelle qu'en France, ce sont à deux exceptions près les éditions Christian Bourgois qui publient vos livres depuis de longues années maintenant. Il y a une forme d'écriture dont on n'a pas encore parlé dans ces entretiens et qui pourtant aussi paraissent régulièrement en France, ce sont les chroniques. Les éditions Christian Bourgois en ont publié plusieurs volumes. Vous semblez ne pas accorder une très grande importance à ce registre d'écriture chez vous, Antonio Lobo Antunes, alors que parmi les écrivains que vous admirez, il y en a qui ont livré de très belles chroniques. Ça correspond à quoi pour vous l'exercice de la chronique? Bon, je peux venir un peu en arrière, vous avez parlé de la mémoire. C'est pas par hasard que les Grecs appelaient la mémoire la mère des muses. Il n'existe pas d'imagination. Ce qu'il existe, c'est de la mémoire. Et l'imagination n'est que la façon dont vous réglez les matériaux de la mémoire. C'est très curieux, cela. Parce que les gens qui ont eu des accidents vasculaires et sont restés privés de mémoire, ils étaient privés d'imagination. Donc l'imagination n'est que ça. Vous écrivez avec les déchets que les autres jettent à la poubelle. Vous allez voler dans la poubelle des petits trucs, des phrases, des virgules, des choses comme ça, des petits objets, des riens que les gens ne veulent pas. Quant aux chroniques, j'ai commencé à les écrire parce qu'on me payait beaucoup d'argent. Et on me payait très bien. Mais j'ai l'impression que ça n'a rien à voir parce que c'est fait avec beaucoup de facilité et je méfie toujours de la facilité. Comme je méfie des femmes faciles. C'est trop facile. J'ai rien dans la tête, c'est les mots que je fais ça, je corrige une fois, j'envoie ça au journal, c'est tout. Donc ça peut pas être bon, j'ai pas sué dessus, j'ai pas peiné dessus, et j'ai l'impression que c'est des piscines pour enfants, n'est-ce pas? Vous ne risquez jamais de vous noyer là-dedans. Mais il n'y a pas de plaisir pour vous à écrire cela? Pas tellement, parce que quand vous êtes sur un livre, il vous faut changer complètement la cadence, le galop, etc. Et puis pour revenir au livre, c'est compliqué. Donc parfois vous perdez un jour pour essayer de récupérer le rythme du livre. C'est un galop complètement différent. Et puis j'ai pensé que je pouvais utiliser cela comme une sorte d'itinéraire parallèle au livre. Mais ça marchait pas quand même. Pour parler des petites choses quotidiennes. Mais au fond, notre grandeur, s'il y en a, elle fait tellement de petites choses. C'est notre petitesse qui peut être grande, n'est-ce pas? Pour moi, il y a des sujets qui sont tabous. Par exemple, Dieu. Profondément, je parle jamais de mon rapport avec Dieu. Je ne crois pas qu'il y a des athées. Je ne crois pas. Mais notre rapport avec Dieu, la plupart des fois, moi je me fâche. Je me fâche parce que je comprends pas la souffrance. Je comprends pas la souffrance physique des bébés, je comprends rien à cela. Quand j'avais fini la fac, je faisais l'internat, ce qu'on appelait l'internat général, c'est-à-dire pédiatrie, etc. On m'a mise dans une infirmerie d'enfants avec des maladies terminales, des cancers, des maladies des reins, syndrome que les médecins appellent syndrome néphrotique, etc. Et ces enfants qui avaient 4-5 ans et quelques-uns étaient d'une beauté extrême, petits garçons, petites filles, avaient une joie en même temps. Mais certains d'entre eux, qui avaient 2-3 ans, pas plus, ils demandaient en pleurant l'injection de morphine. Ça, je pardonne pas à Dieu. Ils n'ont pas fait de mal à personne. Peut-être qu'ils seraient des adultes stupides. Dumas, il se demandait dans son journal pourquoi il y avait tellement d'enfants intelligents et d'adultes idiots. Et il concluait que ce ne pourrait être qu'un problème d'éducation. Mais le fait, c'est que le problème d'éducation, c'est terrible. Vous vous souvenez de Gertrude Stein, quand elle conseillait à cette génération, à Hemingway, Scott Fitzgerald, etc., de venir à Paris, et l'explication qu'elle donnait, c'est pas tellement ce que Paris vous donne, c'est ce qu'il ne vous quitte pas. Et quand nous élevons les enfants, et au collège, et au lycée, et tout cela, on enlève tellement de choses, la créativité, tout cela. Quand on regarde les dessins d'un enfant de 3 ans, ils sont merveilleux. À 12 ans, ça vaut plus rien. Il y a comme une innocence perdue. L'autre jour, j'étais chez un ami, Valério Adami, le peintre. On s'aime beaucoup. Et j'avais sur ma tête un miroir. Et le salaud avait réussi à récupérer toute son enfance. Et il y avait le même sérieux. Parce que jouer pour un enfant, c'est une chose très sérieuse. Et très créative, n'est-ce pas? Avec un petit rien, avec des points, des couleurs, des traits, il avait reconstitué un univers qui m'était profondément familier et que j'ai perdu, quand j'ai perdu la virginité du regard. Donc si d'une certaine façon on arrive à conserver la virginité du regard et voir les choses comme si on les voyait la première fois, avec la même surprise et le même enchantement, là, on est sauvé. On a parlé plusieurs fois, vous avez parlé plusieurs fois, Antonio Lobo-Antunes, de peinture. On aurait pu aussi, on ne l'a pas fait, parler de musique, parce qu'elle est importante pour vous, Charlie Parker, mais aussi beaucoup de musique classique. Ce sont des arts pour qui le problème de la traduction ne se pose pas. Et on n'a pas encore parlé de cet aspect-là, qui est important. Alors, on fait ces entretiens en français. Votre français est remarquable et je vous en remercie. Mais dites-vous, le portugais est parmi les langues les plus complexes ou difficiles à traduire parce que, et notamment en français, vous pouvez juger les traductions, beaucoup de choses se perdent. Des subtilités de la langue portugaise qui est très malléable, très souple et très riche aussi, notamment par exemple dans le... Vous avez évoqué les très nombreuses différentes couches sociales qui existaient dans la société portugaise, au moins du temps de votre enfance, de votre jeunesse, qui avaient chacune un parler très différent. Comment est-ce que vous faites avec cette question-là de la traduction? Est-ce que vous regardez d'ailleurs les traductions qui paraissent en France chez Christian Bourgois, qu'elles soient signées Carlos Batista ou Michel Giudicelli, qui ont traduit beaucoup l'un et l'autre de vos livres? Qu'en est-il de la traduction de vos textes? Vous savez, ça c'est un problème universel. Par exemple, la philosophie allemande. Quand vous la lisez en français, c'est fade, c'est plat. Et en allemand, ça a une immense richesse, car c'est une philosophie basée sur le langage. Et comme on perd la musique du langage allemand, et avec l'allemand, comme vous savez, vous pouvez construire là un mot qui dure une page entière. Et tout cela se perd. Par exemple, la grande poésie française de Villon à Apollinaire est intraduisible. Par exemple, avec Cavafis, le poète grec, à chaque traduction différente, et j'en ai plusieurs, il vous paraît un poète différent. Ça dépend du traducteur. Et on vient de publier, de rééditer au Portugal, il y a quelques mois, du livre de Céline. C'est vraiment traduisible. Vraiment traduisible. Ils sont tellement loin de la richesse originale. Et pourtant, ils ont vendu 2 éditions en une semaine. C'est magnifique, ça. Donc, une tradition, c'est peut-être une photo en noir et blanc d'un tableau, n'est-ce pas? Ça dépend de la sensibilité du traducteur. Chaque langue a son génie. J'ai eu beaucoup de traducteurs. J'étais pas content avec ce dernier. Je suis très content. Il est très sensible. Il a réussi à attraper un peu cela, la musique, tout cela. Mais bien sûr, beaucoup de choses se perdent. Inévitablement. Par exemple, il y a des auteurs qui sont faciles à traduire. Par exemple, là, le lyrisme discursif de Rilke est facile à traduire. Mais par exemple, la poésie de Gottfried Benn, le grand poète allemand contemporain, qui est une poésie très substantive et difficile à traduire. Par exemple, pour la langue française, le lyrisme discursif n'est pas difficile à traduire. Mais le lyrisme dionysiaque, en français, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que le génie de la langue française est différent. Et la grande élégance de la langue française, consiste en sa prose. Sa prose qui est magnifique, impériale, n'est-ce pas? Et donc je comprends quand on a demandé à Gide qui est à votre avis le plus grand poète français. Il a répondu, Victor Hugo, hélas. Et pourtant, pour les Portugais qui lisent français, ils préfèrent Musset, Verlaine, c'est lyrisme dionysiaque, qui n'est pas le plus fréquent dans la poésie française. Apollinaire est là aussi. Mais ça, c'était... Apollinaire n'était pas français. On ne sait pas ce qu'il était, enfin. Pareil que c'était un père polonais, etc. On ne sait pas ce que c'était. Qui était vraiment son père, on ne l'a jamais su. On suppose que c'était un aristo polonais, on ne sait pas. Mais c'est extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. Et le plus merveilleux encore, ce qui m'étonne encore le plus, c'est des gens qui écrivent dans une langue qui n'est pas la sienne. Comme Conrad, qui a appris l'anglais à 22 ans. Et l'anglais de Conrad, c'est l'anglais que seulement Conrad l'a complètement inventé, avec des mots qu'il a appris, ou l'opération qu'a fait Nabokov en écrivant successivement en russe, puis en allemand, puis en anglais, puis etc. C'est très une opération linguistique compliquée. Mais en tout cas, même en lisant une mauvaise traduction de Céline, comme c'était le cas, il y a quelque chose qui passe et ça vous prend par les couilles, la grandeur de cette prose et l'amplitude de sa respiration. Mais là, on est alors là dans un mystère total, parce que qu'est-ce qui reste finalement? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe de vous, Antonio Lobo Antunes? Moi, je vous lis en français. Il y a quelque chose qui passe, parce que moi, je reconnais d'un livre à l'autre, même si ce n'est pas le même traducteur. Il y a eu 3, 4, 5, 6 traducteurs différents, et pourtant, j'ai quand même la conscience, et je pourrais faire le test sans avoir la couverture, de lire Antonio Lobo Antunes. Je crois que c'est là. C'est la petite musique, comme nous parlons à la Céline, qui est toujours la même. Vous savez, peut-être le plus grand éloge littéraire que je connais a été fait par Henri Miller, qui, ici à Paris, il a dragué une fille et il est monté avec elle dans un hôtel minable. Il pleuvait, c'était humide, c'était une chambre en 5e étage, sans ascenseur, le papier du mur tombait, c'était humide. Et la femme s'est tournée vers lui et lui a dit « Je veux pas dormir dans une chambre de Simenon. » Ça, c'est un éloge extraordinaire. « Je veux pas dormir dans une chambre de Simenon. » Donc, il y a toujours des chambres de Simenon qui restent. Si vous avez vraiment une voix personnelle, si vous avez vraiment une force, si vous avez vraiment cela... Vous regardez un tableau, vous reconnaissez immédiatement le peintre à cause de sa façon de s'exprimer. Ou si vous écoutez, comme les compositeurs, c'est la même chose. Il y a une touche qui n'appartient qu'à eux. Elle résiste à la traduction pour la littérature. Et qui résiste à la traduction. De la même façon que je faisais ça avec mon père. On comparait, par exemple, la symphonie de Beethoven, de Mahler, de Brahms, par différents chefs d'orchestre. Il y avait différence jusqu'à 30 secondes de tempo et de la façon dont les différents instruments étaient appelés. Et mon père reconnaissait le maestro pour la façon dont le... pas seulement la symphonie, pas seulement le style du compositeur, mais le chef, mais aussi le style du maestro et parfois le style de l'orchestre. C'est très curieux. Même avec le piano, vous savez si c'est Arturo Benedetto Michelangelo, si c'est Kemp, si c'est... et c'est les mêmes notes. Alors là, il y a une expérience quand même aussi singulière, Antonio Lobo Antunes, ses entretiens, au moment où nous enregistrons, c'est aussi grâce à votre venue en France à l'occasion d'une programmation à la MC 93 de Bobigny qui consacre 6 mois à votre œuvre. Alors, sous toutes ses facettes, puisqu'on va être porté sur la scène de Bobigny, aussi bien les chroniques, la correspondance, des entretiens, des adaptations de romans. On a le sentiment, Antonio Lobo Antunes, mais... j'avais cru le comprendre déjà, qu'une fois que le livre est terminé, vous a repoussé, comme vous nous l'avez expliqué, au terme du processus d'écriture. Il vit sa vie, alors qu'il soit sur une scène de théâtre, au cinéma, il pourrait être en opéra. Oui. D'une certaine façon, vous vous en fichez, enfin je mets un peu des guillemets, mais c'est plus à vous, s'il part ailleurs. Je m'en fiche pas, mais ça m'appartient plus. Quand le livre est fini, ça m'appartient plus. Donc j'ai même pas... J'aurais bien être... Et Bonnard. Vous vous souvenez, Bonnard, il avait une petite serviette. Il allait dans les musées avec sa petite serviette. Et quand le garde ne regardait pas, il corrigeait ses peintures. Sur les murs du musée. Et vous, ça, vous ne pouvez pas le faire. Non. C'est trop d'exemplaires. Mais c'est pour ça aussi que vous ne relisez jamais vos livres? Parce que vous ne voudriez pas avoir de regrets? Non, parce que le premier mois, je suis très content. Puis je commence à comprendre que j'aurais pu faire mieux si j'avais pu travailler. Donc, je crois que c'est par coquetterie, pour ne pas trouver des... Car quand vous lisez, même quand vous corrigez, les défauts vous apparaissent énormes, les qualités très petites. Et vous pensez, merde, tout était dans le show, quand j'écrivais la chose, ça me paraît exactement cela, et pourtant j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû plus travailler plus, parce que... Je me sens comme une... C'est quelque chose qu'on m'a donné, mais qui ne m'appartient pas. Et mon devoir, c'est de faire le meilleur que je peux. D'être fidèle à cet honneur. Alors, au fond, je crois que c'est un de nos problèmes fondamentaux. C'est d'être fidèle à l'honneur d'être vivant. Mais est-ce que cette... insatisfaction, Antonio Lobo Antunes, finalement, c'est pas, ça répond à une question que je vous ai posée un autre jour, ça répond pas à cette question, pourquoi écrire toujours un nouveau livre? Si vous étiez satisfait d'un livre... Pour améliorer le précieux d'un... Voilà, il faut toujours rater mieux, comme disait Beckett. Mieux rater, comme disait Beckett, oui, mais... vous savez, c'est comme si les livres étaient un coussin où poser la tête qu'on leur arrivera... Et de toute façon, le coussin sera toujours imparfait. Quand l'heure arrivera, Antonio Lobo Antunes, est-ce que, très honnêtement, est-ce que la postérité, ça vous préoccupe? Très honnêtement. Très honnêtement. Oui. Oui, je veux penser comme au vide. Mon œuvre survivra au fer, au temps et au feu, oui. Ou quand Horace écrivait... je ferai une œuvre plus durable que le bronze. C'est extraordinaire, la conscience. Quand Horace disait, un écrivain doit travailler 10 heures par jour, 2 pour écrire, 8 pour corriger. Ils avaient une conscience du métier très grande. Mais ça, c'est idiot. Ça, c'est le grand problème. C'est le problème créature-création, n'est-ce pas? Pourquoi Madame Bovary, qui a fait papier par moi, il était furieux, Flaubert. Va durer, et moi je vais mourir. La putain de la Bovary, comme il disait. Il était furieux. Ça, à partir d'un certain point, vous commencez à avoir ce conflit. Picasso l'avait, les grands peintres, etc. Les compositeurs. Pourquoi est-ce que mon œuvre va durer, et moi, qui a fait ça, je vais mourir. Peut-être que la réponse réside dans le fait que c'est pas eux qui ont fait ça. C'est quelqu'un, je ne sais pas quoi, et je parle pas en termes religieux, qui s'est servi d'eux pour faire ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Car en même temps, j'ai l'impression que, qu'on appartient tous à un immense courant qui a commencé il y a très longtemps avant nous et qui continuera après nous et que nous ne sommes qu'un anneau de cette chaîne interminable, nous tous. On en revient encore et toujours à l'Afrique. J'ai lu quelque part que si vous vous sentiez assez peu portugais, c'est vrai que votre père était brésilien, allemand, enfin il y a des origines nombreuses, vous, si on vous proposait la nationalité angolaise, si vous pouviez finir vos jours là-bas, si la situation dans ce pays n'était pas ce qu'elle est, vous iriez volontiers en Angola ? C'est toujours le cas ? C'est le plus beau pays que j'ai connu. L'odeur, la sensualité de la terre, des odeurs, des couleurs. Vous savez, d'une part, j'ai envie d'y aller. D'autre part, c'est peuplé de morts de 20 ans, qui étaient mes soldats. Et je me souviens qu'avec un d'eux, c'était un très beau garçon. Comme officier, j'avais droit à deux gardes-corps. Et il était à côté de moi, soudain il s'est tué. Et je crois que je parle de ça dans un livre. J'ai dit au soldat de le coucher sur mon lit parce qu'il n'était pas mort. Et c'est difficile pour moi parfois d'accepter la mort. On l'a enterré là. Et il est là encore. Et j'ai peur qu'il ne m'apparaisse en me reprochant de l'avoir laissé mourir. Mais ce qui me frappe, moi, pour finir là-dessus, Antonio Lobo Antunes, c'est qu'on dit souvent que vous êtes l'écrivain de la tristesse, des hommes à genoux à terre, du fatalisme. Et vous êtes tombé amoureux d'un pays, d'une culture, de personnes, au moment même où vous viviez sans doute les moments les plus terribles de votre vie, les plus atroces. Vous avez vu la beauté d'un pays, vous avez vu la beauté de ses habitants. Vous avez été capable de voir le beau au milieu de l'horreur. C'est quand même une forme incroyable d'optimisme, de foi en la vie. C'était pas seulement des moments terribles, comment vous dire. Il avait une sorte de gaieté, une sorte de joie, mais c'était une joie tellement atroce parfois. Mais la guerre n'est pas une chose funèbre. Ça se passait, c'était pas seulement les poum-poum-poum des armes, c'était les cris, les insultes, c'est très étrange. Et au début, au l'Est, il y a peu de végétation, ça s'appelait les terres de la fin du monde. Les embouches étaient faites à 4 mètres, donc vous voyez les gens de l'autre côté. J'ai vu des Chinois, de l'autre côté, qui tiraient sur moi. C'est une sensation très très étrange. Vous dites ça, je le dis parce qu'on est à la radio, avec un très grand sourire. Oui, on riait. Parfois, on riait. On trouvait de quoi rire. Écoutez, le soldat avait 20 ans, 19 ans, 18 ans. Et soudain, il était obligé d'être homme. Les gens, les adolescents, maintenant, vont à la discothèque. Ceux-là, ils allaient à la guerre. Et donc, ils ont été obligés de grandir. Mais en même temps, ils conservaient en eux une innocence très grande et une... Je pensais à eux comme des oiseaux innocents. Mais en même temps, la plupart, c'était des paysans pauvres. Ils avaient enfants de paysans qui avaient commencé à travailler à 10 ans, peut-être à 8 ans. Il y avait en eux une maturité et un courage très grand. Et puis c'était compliqué. Il y avait les Katangais, il y avait les Sud-Africains, c'était une pagaille. Et en même temps, vous aviez le sentiment très né. Ça n'avait rien à voir avec les grands mots, car on était envoyé à la guerre au nom des grands substantifs abstraits. Honneur, gloire, patrie. Et là, vous compreniez l'horrible mensonge. Vous étiez là au nom d'intérêts économiques qui vous dépassaient. C'était tout. Et au nom des grandes compagnies, et au nom des gens qui avaient de l'argent et qui avaient le propriétaire des diamants, du pétrole, tout cela, ces richesses-là. Et c'est cette compréhension, c'était pas un sentiment politique que j'avais pas à l'époque. Et même et pas beaucoup aujourd'hui. Mais c'était le sentiment de mourir pour des intérêts économiques. Et ça, c'était atroce. Tout cela me semblait une horreur formidable, n'est-ce pas? Mais dans pour les gens de la bière, pour les gens de... pour les grands planteurs, pour les intérêts nationaux, pour les Hollandais des diamants, pour les Américains du pétrole, vous voyez. C'était cela. Mais parmi toutes ces voix, ces dizaines et des dizaines de voix qu'on entend dans vos livres, Antonio Lobo Antunes, il n'y a jamais de narrateur omniscient chez vous, il y a des gens qui parlent, qui se coupent la parole. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de ces voix-là qui sont des voix qui se sont tues à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans en Angola? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais de l'autre côté, c'était la même chose. C'était aussi l'Union soviétique à l'époque de Cuba, mais c'était aussi les États-Unis. Mais c'était aussi l'Allemagne qui vendait des armes aux deux côtés. C'était la France qui vendait des hélicoptères aux deux côtés. Donc c'était tout. Tout le monde tirait du profit de la guerre, sauf ceux, les pauvres soldats qui mouvaient là et qui étaient complètement innocents. Donc les intérêts, des pays riches, n'importe d'où, l'Europe occidentale, les États-Unis, l'Europe de l'Est, les pays dits communistes, hein, tout c'était là. Tout c'était là. Des Belges qui étaient très riches à cause du Congo, blablabla. Donc, ces garçons mouraient pour que les femmes ou les amantes ou les petites amies de ces salauds puissent mener une vie de... Et ça m'indignait. Je me souviens d'un capitaine, Melantuns, qui, c'est la seule fois que j'ai vu des larmes dans ses yeux. Quand un garçon est mort, et il me disait, tu sais, j'avais juré de les ramener tous. Et, vous vous souvenez de cette phrase de Saint-Exupéry, quand il disait, c'est un peu dans chacun de ces hommes Mozart assassiné. Et pour finir, je vous ai dit, on ne descend pas vivant d'une croix. Donc, personne ne revient d'une guerre comme ça. J'ai vu des hommes qui ont leur vie complètement... Il y avait 30 000 personnes dans les consultations de stress post-traumatique. J'ai eu beaucoup de chance, moi. J'écris, et je suis là, et etc. Mais ça, je ne pardonnerai jamais. C'était À Voix Nue. Arnaud Laporte s'entretenait avec Antonio Lobo Antunes. Une série d'émissions réalisées par Anne-Pascale Desvignes, prise de son Valérie Lavalard, attachée d'émission Claire Poinsignon. Vous pouvez également réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture. France Culture, un été d'écrivain. Société d'écrivains, deuxième partie, le temps de la lecture. Ce soir, les pages arrachées à un livre de Antonio Lobo Antunes, Mon nom est Légion, un livre paru aux éditions Bourgois. Un policier en fin de carrière a reçu pour mission de neutraliser une bande d'adolescents se livrant, comme le dit l'auteur, à des actes antisociaux à caractère violent et qui a pour base de repli le quartier du 1er mai, amoncellement d'habitations clandestines au nord-ouest de Lisbonne. Le policier n'est cependant que le premier d'une longue série de narrateurs, tous concernés à des titres divers par cette enquête. David Holofen, cinéaste, passionné des œuvres de Antonio Lobo Antunes, a choisi des extraits parmi les 19 chapitres qui composent ce livre et la vingtaine de narrateurs qui se succèdent. La réalisation est signée par Étienne Vallès. Antonio Lobo Antunes, Mon nom est Légion. Extrait, cinquième et dernière émission, texte dit par Thomas Sagols et Philippe Magnan. L'agent a frappé à la porte et on est entré. L'homme était assis à son bureau en train d'écrire. Il n'a pas levé les yeux vers nous. Il nous a fait signe d'attendre, avec la main qui tenait le stylo, puis a continué d'écrire. La main qui ne tenait pas le stylo tenait le papier du bout des doigts. L'attitude de l'agent ordonnait « Retire les mains de tes poches ». Je les ai pas retirées. En parlant de mains, il y en a un paquet dans ce monde. Les mains de l'homme. Les miennes. Celles de l'agent au garde-à-vous. S'il fallait toutes les compter, dans un an, on y serait encore. Par la fenêtre, des platanes. Je les reconnais parce qu'ils en mettent au bord des routes. Avec une bande blanche sur le tronc pour prévenir les voitures la nuit. Comme ça, les gens font un écart et ne meurent pas. J'ai pas peur de mourir. Les agents ont peur de mourir comme ils ont peur de moi. Les platanes par la fenêtre, trois platanes. Les platanes sur les routes, des quantités. Je sais pas s'il existe plus de platanes que de mains. Là où l'homme écrivait, des étagères, un tapis, le drapeau avec des rubans sur le bâton, des portraits de gens de sa famille, une dame, un garçon de mon âge, une fille ressemblant au garçon avec un appareil pour les dents. J'ai pas envie que les gens me touchent. Quand j'étais petit, une vieille du quartier me prenait quelquefois dans ses bras. « Mon petit », elle disait. « Mon petit ». Après, elle est morte. Bien fait pour elle. Il se trouve que je savais à quel endroit on l'avait enterrée sur la colline. J'ai creusé en cachette et j'ai trouvé une chaussure et quelques os. Comme je n'ai entendu aucun « mon petit », j'ai tout remis en place. J'ai essayé de dire « mon petit » aux chaussures et aux os, mais ça n'a rien donné. Si on me fournissait une pelleteuse, je raserais la colline. Si ça se trouve, presque autant d'os que de mains, et parmi tous ces os, lesquels seraient les siens? J'ai mangé un de ces poulets et je me suis senti mieux. Je pleure pas, moi. Un après-midi, la vieille a percé un œuf avec un clou et me l'a donné à boire. Dès que je serai de retour au quartier, je lui mangerai tous ces poulets. Comme ça, même si je pleure, je ne pleurerai pas. L'homme qui était assis à écrire a revissé le bouchon de son stylo tout en lisant. Il a regretté d'avoir revissé le bouchon et l'a dévissé pour corriger une phrase. L'attitude de l'agent n'arrêtait pas d'ordonner « Retire les mains de tes poches !» Heureusement, on est arrivé à Almada juste au moment où le gérant de la supérette mettait les volets en place. On est entré avec lui sans avoir à le bousculer. L'homme qui était assis à écrire ne semblait pas content de sa phrase. Il a mis ses coudes dessus en nous regardant et s'est mis à essayer des mots avec ses lèvres sans qu'aucun son vienne buter contre elles. Il a dit « j'ai trouvé la solution » puis a repris son stylo. A changé d'avis, l'a lâché. Lorsqu'aucune main ne le prenait, le stylo avait l'air orphelin. Il ne lui restait plus qu'à demander « Tu ne veux plus de moi ?» Le gérant de la supérette s'est penché sur le comptoir avec le bras gauche qui tremblait. On a fermé la porte et en la fermant, une clochette. On a ouvert la porte et la clochette. Qu'on ouvre ou qu'on ferme, la clochette en une seule goutte de bruit. Tout le temps qu'on est resté là, celui avec son avion en fer blanc a entré et a sorti pour entendre la clochette. Quand on a eu fini, il a ramené un escabeau et un marteau. L'a enlevé de là-haut et l'a embarqué. Ça a été toute une affaire après pour le convaincre de nous la prêter. L'homme qui était assis à écrire s'est arrêté sur l'agent. Ensuite, il en a eu marre de l'agent et s'est arrêté sur moi. Il m'a ordonné « Retire les mains de tes poches, pas par son attitude, avec sa voix. » Par la fenêtre, 4 platanes maintenant. Non, 5. Si on leur peignait une bande blanche autour du tronc, on croirait qu'une route juste là. Je n'ai pas retiré les mains de mes poches. L'agent m'a lancé, t'as pas entendu ce que t'as dit, monsieur le juge ? Le gérant de la supérette a demandé à prendre un comprimé. Le cœur, il a dit. Ça devenait difficile de comprendre ce qu'il racontait à cause de la clochette. J'ai demandé, qu'est-ce que vous avez dit ? Le cœur, il a dit en avançant la jambe vers la commande de l'alarme. On appuie de la pointe du pied et une ampoule s'allume au commissariat. Le juge s'est désintéressé de moi, en remuant les lèvres à mesure qu'il reconstruisait sa phrase. Celui à l'avion en fer blanc, heureux avec la clochette, et lui, heureux avec le mot. Chacun de son côté à me vriller les nerfs. Le juge s'est rappelé que j'étais là et a refermé le mot à l'intérieur de son visage. « Je déteste avoir à insister sur les choses », il a dit. J'allais demander quelle chose, mais il faisait allusion à mes mains dans les poches, puisqu'il a ajouté ses petites mains dehors et « Tiens-toi bien droit !» Sans son comprimé, le gérant de la supérette devenait tendu. Le juge aussi. Au train où allaient les choses, si j'avais jeté un œil par la fenêtre, j'étais prêt à parier que 10 platanes. Le gros a mis le canon du pistolet contre le ventre du gérant de la supérette pour l'éloigner de l'alarme. « Non, monsieur », il a dit. Il appelait tout le monde monsieur et vivait avec une blanche. Ma sœur aussi vivait avec un blanc. Dans un vrai logement, pas dans le quartier. Quelquefois, je m'asseyais dans leur véranda bourrée de plantes en pot. Et ma sœur tout bas, « Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi ?» La caisse de la supérette ne contenait quasiment pas d'argent. Si bien que le gros, au gérant, « Le reste de l'argent, monsieur. » Le juge a décroché son téléphone et a dit « Nous avons ici un petit malin. » Même là où ils m'ont placé, si je fais un effort, j'entends toujours la clochette. Quand 3 autres agents sont arrivés, le juge s'est mis à penser en se pinçant la joue. Les 3 agents sont restés au garde à vous, en attendant qu'il en ait terminé avec ses pensées qui donnaient l'impression de ne jamais devoir s'interrompre, vu qu'il n'arrêtait pas de se pincer la joue. J'ignore si le nombre de platanes en a profité pour augmenter ou diminuer par la fenêtre. J'ignore si par-delà les platanes un mur, ou alors du blé, des bois, des villages, des paysans à vélo qu'on se faisait un plaisir de déséquilibrer en les touchant avec le pare-choc de la voiture. Certains avec un petit chien leur trottant derrière. Des bandes de corneilles sur les plants de tomates. Si on les poignardait, elles ne crieraient pas plus fort. L'infirme à la béquille ne m'a pas appris à les fabriquer. Les pigeons, si. C'est facile. Il suffit d'avoir de la ficelle, une page de journal, et les voilà tout de suite, en marche avec leur mine contrariée. Quelques jours après, ils disparaissent en groupe, tous en même temps. Sans prévenir en rien de temps, ils sont de retour. À droite, à gauche, avec leur démarche exaltée. Les pigeons, les corneilles, les platanes, les mains. compliqué, ce monde. Et au milieu de tout ça, une vieille, mon petit. Je ne pleure pas. Enfin, ça m'est déjà arrivé. La nuit. Alors je me rappelle la clochette. Et ça passe. Si on ne me touche pas, ça passe. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de vous. Je vais vous dire un secret. J'ai peur du noir. Non, je rigole. J'ai pas peur du noir. Si, j'ai peur du noir. Non, j'ai pas peur du noir. Après les avoir mis par terre, je les voyais dans le rétroviseur serrer la roue avant entre leurs jambes pour redresser le guidon. Certains nous menaçaient avec le manche de leur parapluie fermé. Les petits chiens attendaient la fin des réparations, la langue pendante. Le juge a changé les cadres de place. On voyait bien qu'il pouvait penser des jours d'affilée si l'envie lui prenait. Moi, si l'envie me prenait de penser, je commencerais par courir jusqu'à me retrouver très loin du quartier, là où personne ne me remarquerait. On trouve toujours un endroit pour dormir. Un immeuble abandonné, l'entrée d'une étable, un grenier. J'ai pas besoin des autres. Il peut pleuvoir tant qu'on voudra, faire froid, faire orage. Je sens les bestioles dans la terre qui viennent me flairer puis me laissent. Le juge a abandonné ses pensées. Aidez-le à enlever les mains de ses poches, il a dit, sans désigner personne. Pendant que les agents s'occupaient de moi, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Pas de mur, pas de blé, deux platanes. Les agents utilisaient des tuyaux en caoutchouc. Une de mes côtes a craqué. Le rein a craqué lui aussi parce que j'ai senti l'urine. Le juge s'est remis à écrire. Pas la phrase qu'il avait occupée peu avant, plein de phrases. De temps à autre, il s'interrompait pour se pincer la joue. Ou pour examiner une imperfection avec son petit doigt. Entre deux examens de l'imperfection, il observait son petit doigt. Les agents ont eu du mal à me maintenir debout, vu que mes genoux flanchaient et qu'il me manquait une partie de l'échine. Les corbeaux de l'infirme à la béquille n'arrêtaient pas de pousser des bêlements. J'ai mis un moment à comprendre que ce n'étaient pas les corbeaux. C'étaient les parties dont je suis fait qui cherchaient à se remettre en place. Dans l'une d'elles, la voix de ma sœur insistait en me secouant l'épaule. « Qu'est-ce que tu viens fabriquer ici, toi ?» Dans une autre, la vieille... « Ça dirait de gober encore un œuf, mon petit ?» Le gérant de la supérette a sorti un sac d'une étagère de bouteilles étrangères. J'ai essayé de mettre les mains dans les poches, mais la côte ou le rein m'en ont empêché. Le juge a dit « Vous ne l'avez pas tué, au moins ?» Avec une voix de bris de verre qui m'a écorché. La fenêtre bien plus haute me privait des platanes. Le gros a compté l'argent en faisant des petits tas de billets avant de recommencer depuis le début. Le petit doigt qui continuait à explorer les imperfections de la peau a dit « Tu as 13 ans, n'est-ce pas ?» Un peu plus, il aura enfilé un clou dans un œuf pour me le donner à gober. Mon âge l'obligeait à penser. Penser, c'était sa spécialité. « 13 ans, messieurs, » a dit le petit doigt. « Non mais où va-t-on ?» À voir la forme de sa bouche, on en déduisait qu'il pensait « Non mais où va-t-on ?» Alarmés par la question du juge, les agents se sont mis à penser à leur tour « Non mais où va-t-on ?» Ils ont regardé au plafond. Ils se sont regardés en imaginant le point atteint par leurs pensées respectives et en essayant de raisonner plus vite dans l'espoir d'une promotion. Sans le vouloir, je me suis surpris à penser moi aussi « Non, mais où va-t-on » Le juge a interrompu ses pensées pour dire « C'est ça le grand problème, où va-t-on » Tout le monde, moi y compris, pensait avec force. Dans mon cas, avec tant de force que j'ai oublié de courir très loin, là où les bestioles dans la terre devaient venir me flairer avant de me laisser. Il me manquait toujours une partie de l'échine. Et la côte ou le rein, ou les deux ensemble, ont changé de position pour me faire encore plus mal. Le juge a cheminé jusqu'au bout de ses pensées, là où les idées finissent dans un agglomérat de souvenirs anciens, qui ont perdu toute utilité avec le temps. Il est revenu à son bureau mais n'a pas pris son stylo. Le fait de ne pas savoir où on allait le désorientait. Une dernière tentative l'a laissé à l'école 50 ans plus tôt. Alors qu'il ne parvenait pas à résoudre un problème de train partant de deux arrêts distants de 50 km. La vitesse du premier étant 3 fois supérieure à celle du second, à quel point kilométrique vont-ils se rencontrer? Si l'on prend comme kilomètre 0, le lieu de départ du premier train, et comme kilomètre 50, le lieu de départ du second. Le professeur, qui s'appelait Monsieur Bentesh, attendait la réponse dans un silence goguenard. Vaincu par le problème de train, le juge a fini par trouver refuge auprès du stylo. Il a dit « amenez le gamin à l'infirmerie », tandis que le professeur Bentesh déclarait devant toute la classe « tu n'arriveras jamais à rien dans la vie ». Curieux comme des trains distants de 50 km peuvent vous démolir quelqu'un. Ayant réduit le juge en miettes, le professeur Bentesh triomphait. Jusqu'à la mort du juge, il continuerait de triompher. Dans sa blouse, le voilà qui résolvait le problème au tableau en 2 temps 3 mouvements. Quand je suis arrivé à la porte, le juge écrivait à toute bombe, laissant tranquille l'imperfection sur sa peau, avec le professeur Bentesh à ses trousses. Il a épié le portrait de sa femme pour voir si une partie même infime du professeur Bentesh ne se prolongeait pas en elle. En plus de lui casser la clavicule au gérant de la supérette, on lui a débouché ses bouteilles étrangères. On les a laissées à l'horizontale, à se vider de leur liqueur. L'agent a tiré derrière lui la porte du juge au moment où le professeur Bentesh démontrait la simplicité du problème, et par conséquent l'incommensurable étendue de son imbécilité à lui. Le juge, en traçant des chiffres énormes, afin de bien souligner l'évidence de son ineptie. Lent et définitif, chaque zéro crissait sur l'ardoise. « Amenez le gamin à l'infirmerie pendant que je me bouche les oreilles, en espérant que le professeur Bentesh me laisse en paix. Et s'il reste en vous un rien d'humanité, une once d'amour, ayez pitié de moi. » Treize ans, bon sang, des muscles flambant neufs, le cœur sain, quel âge béni, la résistance naturelle de la jeunesse. Et ces estomacs qui avaleraient des boulons, ces vésicules qui supporteraient des œufs à la tonne, j'ai déjà moins de peine. S'il avait dû affronter tout ce par quoi je suis passé, je ne dis pas, le souffle mitral, les vertiges, ce truc au poumon qui faisait dire au médecin « pas moyen de tirer ça au clair ». Entre parenthèses, pour chaque palier, je mets des siècles. Permettez-moi de vous le dire sans exagérer, conquis avec des souliers de plomb. Avec une lenteur de scaphandrier, si l'on me passe la comparaison. Avec autant de mal qu'un convalescent. Autre comparaison, ou image. Tout le monde s'en fout. Moi, appuyé contre le mur, sans avoir la force de tourner la clé dans la serrure, et quand m'est rendu ou concédé un peu d'énergie, je rate le trou parce que les doigts mettent plus longtemps que le reste du corps à m'appartenir. Il laisse échapper la clé, la lumière s'éteint, je ne trouve pas l'interrupteur pour la rallumer, je cherche la clé en tâtonnant du bout du pied sur le paillasson sans succès. L'interrupteur a changé de place puisque je ne le trouve pas plus haut, plus loin sur le côté, où peuvent bien se trouver les marches. Et ne sachant plus où sont les marches, la possibilité d'une chute, col du fémur, péroné, éclatement de la rate. Ne comptez pas sur moi pour vous expliquer par le menu le mot qui découle de tout ça, vous vous débrouillerez. Pour ce qui est de la chute, le premier voisin me trouvera demain tout en bas, déjà refroidi, écrasé contre les boîtes aux lettres. Le métis de 13 ans, malingre, malnutri, efflanqué, qui dialoguait avec une chaussure et une poignée d'os anonymes dans l'espoir qu'une vieille lui dise « mon petit », est arrivé dans le quartier à l'aube, alors que le feu rutilant des étoiles achevait nonchalamment de s'estomper. C'est que ça prend du temps, ces choses-là. Rien ne marche comme on veut dans la vie, je suis bien placé pour le savoir. est arrivé dans le quartier lorsque le feu rutilant, etc., de s'estomper avec l'épouvantable lenteur des éléments et le firmament, non pas noir, orangé, indigo, ce que vous voudrez, ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est expédier tout ce baratin minable aussi vite que pourra le stylo. Je me contrefous de la couleur, de même que je n'ai pas l'intention de m'attarder sur le terrain de camping, les figuiers sauvages, les cabanes. Je laisse le sujet à qui a parlé avant moi ou à ceux qui, d'aventure, viendraient après, dans la mesure où il y a toujours quelqu'un pour venir corriger ce qu'on a dit en pointant le schématisme de nos raisonnements, l'absurdité de nos sentiments. De toutes les manières, les cabanes encore intactes, sans compter les cactus, les poulets et toutes ces loques bariolées que collectionnent les nègres. Quelle corvée, virgule. J'en ai oublié la dictée et mes obligations à l'égard de l'employeur. Ma femme qui m'épie à distance, puisque ça fait des années qu'on ne se touche plus. Il faut croire que l'appétit charnel se fait moins saillant à force d'intimité. Du moins dans mon cas, c'est ce qui se passe. Je lui suis reconnaissant de ne pas me toucher. Pourquoi toucher un corps au repos qui détesterait qu'on le réveille? Elle dont l'appétit charnel s'est également fait moins saillant à force d'intimité. Le silence dont le monde est fait à cette heure, mon Dieu. Mon Dieu, entre virgules. Je devrais le mettre entre parenthèses une bonne fois pour toutes, mais je n'ose pas. Entre virgules, dans l'illusion insensée que les virgules grandissent plus que des griffes pour le tourmenter, le torturer, l'obliger à s'éloigner de moi et à me laisser en paix. Le silence dont le monde est fait à cette heure, heure dont je n'ai pas la moindre idée, 22, 24, 03, qu'elle aille se faire foutre. Pas le moindre vrombissement dans la rue. Une petite feuille se détachant avec des crépitations d'une infinie douceur. L'inaudible murmure des morts qui s'éloignent de nous. Le métis ne se dirigeant pas encore vers l'entrepôt où il supposait, l'imbécile, que les autres, ou vers la halte, ou vers les hêtres, et cette espèce de tourbillon intérieur qu'apporte avec lui le silence du monde. L'éternelle question « Qui suis-je ?» me transformant en une graine qui nous rentre par la fenêtre dans une lente flottaison. Vous qui ne comprenez rien, ne m'abandonnez pas maintenant. Ou vers les venelles anarchiques et une voix impossible à localiser, pas celle d'un Africain, d'un Blanc, dans les figuiers sauvages. Les voix des Africains, une autre épaisseur, une autre fibre, une voix de blanc ordonnant je ne sais quoi, épiant non pas la moitié de la maison ou du logement de régisseur qu'habitaient le métis et ses parents, c'est-à-dire des restes de plâtras, de la mousse, des planches convaincues d'être parquets, un lustre surprenant entre des cornes d'abondance en stuc, un fauteuil presque entier au vernis disparu, le métis s'apercevant d'un tremblement dans les cactus et une belette. Quel pensum, franchement. Ses pupilles, sa gueule, sa queue dressée. Le métis soulevant une lame de parquet, virgule, ouvrant un sac de toile, je ne sais pas si virgule, et retirant du sac un fusil, virgule, des cartouches, un petit pistolet, virgule, et une clochette volée dans une super étale, Mada, laissant couler, virgule, au-dessus de la porte, virgule, ses menus gouttes sonores, virgule, le métis agitant la clochette et se réjouissant du tintement du battant contre le cuivre, virgule, rangeant à nouveau le fusil et le pistolet, virgule, refermant le sac en le nouant, virgule, remettant à sa place la lame de parquet, abandonnant la maison, comme la graine m'a abandonné, autrement dit, je me suis abandonné moi-même. Vous a abandonné, vous, et a disparu dans le silence dont le monde est fait. Fini ma femme, fini l'institut, fini les classes. Oubliez ce récit, et je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur de vous, je n'ai peur de rien.